7h, 9h, le matin. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 7h, 9h, ouais, on est là. On est bien réveillé même. Pile poil, 7h. Si vous êtes sous la douche, eh bien on a ce qu'il faut pour vous réveiller. Avec le groupe allemand Purple Disco et puis Hypnotizod, c'est sur Arc-en-Ciel. Belle journée. On est en live et ça me fait plaisir de vous retrouver. On adore cette fille. Bah ouais, Sophie Giant avec The Purple Disco, le disque de jockey allemand qui cartonne en ce moment. Ça, c'est le titre qu'il vous faut le matin sous la douche. Bah ouais, à fond, la musique, dès que vous vous réveillez, ça fait du bien. On est en direct. Salut Carlos qui est là. Merci Francky d'être là le matin. Bah moi aussi, merci à vous surtout, hein, parce que moi, je suis là, j'ai pas le choix. Mais vous, est-ce que vous avez le choix d'aller au boulot? Bah ouais, ça fait du bien. En tout cas, côté météo, ça va être mitigé ce matin. Du soleil, des nuages, quelques petite goutte de pluie mais très légère. Normalement, ça devrait bien se passer. Gims qui arrive et c'est Belle sur un grand ciel. Les gens du coin le font. les femmes la haïssaient, toute la jalousie, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, acceptée que des disciples qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Au boulot, c'est Francky. Ah ouais, je vous accompagne là sur la route, dans la bagnole peut-être, avec ce temps qui est couvert aujourd'hui, mais les températures devraient s'améliorer. Plutôt pas mal, on va dire, aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver avec ces températures. Du soleil, des nuages, ça c'est prévu au programme, c'est sûr et certain. Les températures au lever du jour, 12 degrés, on dépassera pas les 23 degrés. Normalement, la pluie ne devrait pas être présente et toute la semaine. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ça va être nuageux quand même, mais pas de pluie. Nos invités aujourd'hui, ils seront au téléphone avec nous tout à l'heure. Un judoka, un champion d'Orléans. Il s'appelle Pascal Bougoureau et il fait partie de l'ASL Saint-Jean-le-Blanc. Un grand monsieur, un grand ami à moi aussi. Il nous parlera justement des Jeux Olympiques avec cette médaille qui est tombée pour la France. Et puis aussi Thierry Santucci qui sera notre invité dans les studios de la radio. On va parler de handicap, des bouchons, vous savez, les petits bouchons que vous avez sur les bouteilles. Eh bien, ça peut servir, ne les jetez plus, ne les jetez plus. On vous en parlera tout à l'heure avec David Santucci. Thierry Santucci qui sera notre invité en direct du son qui arrive. On a Kinvé avec Coller la Petite. Et ça, on est bien pour les souvenirs. Kevin Kinvé.

Tu m'oublieras. Ouais, quel tube en 99. Et ouais. Et après Jérusalem, eh bien ils reviennent. Ils reviennent les anciens, ils reviennent. Master KG, Tim Watcher, c'est sur l'écranciel. Ah ouais, ça ressemble à Jérusalem. Hein. Eh ben non, c'est le nouveau. va dire qu'on s'est le 7h24 avec le DJ Mester Kadji. On sent la touche de Jérusalem là, avec Tim Mocha sur votre radio couleur. Bon, nos invités ce matin, on va parler judo, un champion qui est d'Orléans, il s'appelle Pascal Bougreau, il sera au téléphone avec nous tout à l'heure. L'ASL Saint-Jean-le-Blanc, il va nous parler justement des Jeux Olympiques aussi, avec les médailles qui sont tombées là, ça fait plaisir. Ceinture noire le mec, attention, on va pas falloir faire chier au téléphone lui. Hein. Et puis Thierry Santucci qui sera un invité, on va parler de handicap avec les petits bouchons qu'on a sur les bouteilles, ben, ça peut servir, ça peut aider vraiment des handicapés. On vous en parlera avec Thierry tout à l'heure en direct sur la radio couleur. Et puis Gilbert Montagnier aussi qui devrait venir, enfin s'il trouve la radio, j'espère qu'il sera là à l'heure. Hein. Voilà, il doit se trimballer dans Orléans. Hein. Si vous le voyez, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est le début de la dance music. Je sais pas si vous vous rappelez, Gala avec Fruit from Desire. Bon réveil, bonne petite douche. Eh ouais, ça frotte et ça pique aussi. Le meilleur des souvenirs, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, 7h24 minutes. Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Desire, mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Mind and senses purified, free from desire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Chanter forcément un mariage, un anniversaire, une soirée. On l'a dansé, on l'a chanté, on l'a fredonné ce titre avec Gala, Free From Desire. Puis je regardais ce qu'elle devenait, bah, toujours chanteuse, elle est plutôt pas mal encore, hein. Ouais, 48 ans. Ouais, ça va, ça le fait pour elle. Et puis, bah, on peut pas la pécho, hein. Ah non, avec une fille. Bah, tant pis, hein. Ça arrive, hein. Bah ouais, il y a des mecs avec des mecs, des filles avec des filles. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on l'adore sur Radar Cancel. Gala, Fruit From Desire. Et puis, des places peut-être pour aller voir Tony Carrera à la radio. Ça sera bientôt. Avec, Sous le vent, la reprise. Il sera au Zénith le 21 janvier 2022. Voici Tony Carrera, Sous le vent. On est au coup de ça. Talvez tu penses que eu falhei. Vais ver que dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu deslizando ao teu sabor. Serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo. fait le vent. La tempête ce matin. Sous le vent, en tout cas, il n'y aura pas de vent ce matin. Des nuages, quelques rayons de soleil, les températures jusqu'à 23 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième de nos invités qui arrive tout à l'heure, on a un judoka au téléphone. Attention, ceinture noire, faut pas rigoler. Pascal sera là pour nous parler des JO et de son club. La SL Saint-Jean-Blanc parlera d'handicap aussi avec Thierry Santucci. Parler des bouchons, ça peut servir. Et Lucenzo qui arrive. C'est heureux d'être là avec le smile. Le smile, c'est le sourire, je traduis là. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. Allez, bonjour à tous nos amis. Bon dia, tous nos amis portugais. Salut les Portugal. La femme de ménage, elle me disait, je pars en vacances un mois. Ah, du bol, hein. Ben voilà. Et vous, partez quand en vacances? Allez, coucou à Stéphanie Spett qui est là. Coucou à Jimmy Sugar. Coucou à Christelle. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Coucou. Appelez-nous, tiens, si vous voulez passer un message. 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Get Down, Salon of Night, c'est le meilleur des souvenirs funky music avec Oliver Cheatham. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon dia. Chetam, le meilleur des sonus en 1984. On a dansé là-dessus. On a dansé sous la boule à facettes. Oui, j'adore danser sous les boules. Surtout quand t'as sur la facette. Ouais, ça fait du bien. Hein. Peut-être ce week-end, vous allez danser, faire la fête. Eh bien, côté météo, ça va s'arranger, normalement. La météo. La météo sur la radio. Eh bien, aujourd'hui, les températures sont un petit peu fraîches ce matin. 12-13 degrés. Et on ne dépassera pas les 22-23 degrés. C'est un mélange de nuages et de soleil. Normalement, cette semaine, pas de pluie prévue au programme. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, hein, pour ceux qui veulent sortir un petit peu. Bah ouais, faire la fête, pourquoi pas. Eh, on peut encore faire la fête. Si on veut, on peut. Allez, le son qui arrive, Jano Bank, sorry. C'est Enrique avec Nadia. For you, non, je ne pleurerai pas pour toi, c'est encore une histoire d'amour, ça. Encore la fille qui s'est barrée, ouais, comme d'hab. Bah ouais, comme d'hab. On vous fait des petits remix ce matin comme ça pour vous sortir de l'île, vous étiez dans la voiture. Et bien voici Dépêche Mode avec Lady Gaga, le remix de la radio, by Frankie. On est en direct, ça me fait plaisir de vous retrouver. 7h39. Remix Dépêche Mode, I Just Can't Get Enough, et puis Paparazzi de Lady Gaga. On est heureux d'être avec vous et ça me fait plaisir. El Rayos del Sol, Starkey. 7h44 et ça c'est du live. Eh ouais, Rake, Rocco, Andamena et Latina. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas, que aunque sea tarde. Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, viviendo la primavera entera, oh, yeah. ¿Para qué busco si te encontré un amor nuevo? ¿Para qué? Tú lo sabes y yo lo sé. Si me quedo, tú quédate conmigo. Y aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que nos separamos. Y aunque antes me equivoqué, no vuelve a pasar, yo sé. Qué tonto fue el día en que se fue, no. Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien, a un paso de la luna, confío sin pedido, que no es una locura, cuando pienso en ti yo sonrío. Y aunque miren, no seas indiferente, da igual lo que opinen, no pueden decir. Cuando pienso en ti, yo sonrío, tu mirada, mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir pensando. Je me suis mis le clip en même temps, je suis en train de lire les paroles, je comprends rien. C'est l'espagnol que ça, je crois, ouais. Oh, je dis, il fait un karaoké en fait à la radio. Le karaoké, peut-être dans la voiture pour vous, le matin, comme ça, en allant au boulot, alors en emmenant les enfants. Ouais, les enfants chez la nourrice, parce qu'il y en a qui bossent. Et Joël qui me dit que chantez bien. Bah ouais, mon ami, attends, hey, chanteur professionnel, moi. La bande à Magic System qui arrive avec... C'était pendant la Coupe du Monde, ça, Magic India, quand t'es champion du monde. Salut mon Jojo. Et nos invités tout à l'heure, Thierry Santucci, il va nous parler des bouchons pour le handicap. Ça peut servir des petits bouchons dans les bouteilles. Et un judoka à la radio, ceinture noire le mec. Ouais, il va nous parler des Jeux Olympiques. Pascal Bobo en direct sur Radio Franciel. Allez, allez les bleus, allez les bleus. Radio Franciel, Magic System, la bande à Zalfo, c'est sur votre radio couleur. Ça va aller. Ah, on t'aime la grâce à vos voeux. Oh, ouais. Tous ensemble. c'est mon souvenir ça. Bah ouais, on a dansé là-dessus, on a fait la fête. Qu'est-ce qu'on aime, les Magic System, la bande à Zalfo. Et puis ce titre que j'affectionne, c'est Olivier et Joël qui m'ont fait découvrir le remix de Jean-François Maurice. 28 degrés à l'ombre, imaginez-vous là au bord de la piscine. Ouais, une belle piscine là de 30 mètres de long. L'eau est à 23, 24. On est bien, on bronze. Ouais, on boit un petit cocktail sans alcool, avec de l'alcool, mais c'est dangereux pour la santé. 2-3 gonzesses qui arrivent ou 2-3 mecs. Hein, bonjour. T'as longtemps que tu viens à la piscine? Non. Sinon, il y a les Charlemagne pour les plus pauvres. Ça arrive. Allez, bon réveil. Il est 7h50. Degrés, hein, pas 28, hein. En tout cas, quel souvenir remixé par le DJ parisien El Cachi Pantelis, de son vrai nom Jean-Philippe, Jean-François Maurice. Il s'appelait Jean Bertellini, il est décédé en 96, ce que je viens de voir. Et ça a été créé par Didier Barbelivien, ouais, à l'époque. Et puis lui, Jean-François Maurice, avait écrit le titre pour C. Jérôme, vous savez, et tu danses avec lui. Voilà, voilà pour la petite histoire. Caliente. Bah ouais, c'est comme ça, le matin à la radio, on vous réveille. Salut la famille, 7h54 minutes. Ouais, ouais. C'est Franck qui réveille, 7h09. Bah c'est la vie, c'est comme ça. Tous les matins, votre réveil. chanter, on va danser, surtout chanter le matin dans la voiture pour aller au boulot, direction la tangentielle. C'est Mathieu qui me dit ça. Salut Francky, je suis sur la tange à fond avec la musique de Radar Conciel. Bah merci mon ami. Et puis le meilleur des souvenirs, hein, les années fin 90, début 2000, avec des titres qui vous ont marqué dans votre jeunesse peut-être. Les Superman Lovers et les Starlight, côté météo jusqu'à 23 degrés. Un petit peu de soleil, beaucoup de nuages, mais bon, on est là pour vous donner le smile, la bonne humeur. Et puis nos invités qui arrivent tout à l'heure, Thierry Santucci qui sera là vers 8h15. On va parler d'handicap avec des bouchons qui peuvent servir, vous savez, les petits bouchons de bouteille. Ouais, ça peut servir, ça peut aider. Et puis le judoka, 8h30, attention, on ne rigole plus. Hein. On parle des Jeux Olympiques avec Pascal Bougreau, l'ASL Saint-Jean-Blanc au téléphone avec nous, les judokas qui ont reçu des médailles aux Jeux Olympiques. On en parle avec un champion au téléphone tout à l'heure à 8h30. Starlight, on adore, c'est Superman Lover. Fin 90, début 2000, avec Starlight, les Superman Lovers. Il était futuriste, hein, le clip déjà. Hein. Latina et Latin Connection et Ben Bailalo. Rolling. venimos pa' dormir, venimos a pariciar, venimos pa' dormir, venimos a pariciar. Báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena, contigo, morena, pasando domingo, es que me voy yo. Es que me vuelves loco cuando tú llegas, mame, es que me vuelves loco cuando tú me besas, mame, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco, es que me vuelves loco cuando tú me pegas, mame, es que me vuelves loco cuando tú me besas, mame, es que me vuelves loco y loco. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot, c'est Francky. Et puis ça roule en trottinette, je peux vous le dire, hein, du côté de Paris. Bah ben, à Paris, un homme a braqué mardi après-midi une boutique du joaillier Chaumet près des Champs-Elysées, faisant main basse sur un butin évalué en trottinette, attention, 2 à 3 millions d'euros. Et on a pris de sources sûres, hein, qu'il a reparti tranquillement en trottinette. Il n'a toujours pas été retrouvé. 2-3 millions en trottinette. Ça paye la trottinette. I feel so bad. Ça arrive avec Kungs. Et puis nous inviter dans quelques minutes, on aura Thierry Santucci qui sera là pour parler de bouchons pour le handicap. On va vous dire à quoi servent les petits bouchons en plastique. Et puis 8h30, le judoka, le champion, il sera avec nous au téléphone. On va parler des Jeux Olympiques. Pascal Bougon en direct à la radio. La SL Saint-Jean-le-Blanc. Ceinture noire. Après, je sais plus les dates, mais en tout cas, il est balèze. Oh non! La bataille ce matin, c'est Phil de Kungs. Night, 8h09. Coucou à Jérôme qui est du côté d'Olivet. Salut Francky. Un petit coup, ça fait du bien le matin. Moi, je vais bosser, je suis mécanicien. Bah, bon courage. Il en faut des mecs qui rêvent dans les bagnoles. Hein. Surtout la mienne. La radio Soleil Caliente. Et puis nous invités qui arrivent dans quelques minutes. Eh ouais. Show Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera, nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa mientras yo beso tu boca. Voy jugando con tu pelo, mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre. Mon bébé, j'ai le sable doré, ton corps enlacé. Une amour qui m'a ramené les lèvres, pour t'en couper dans mon que c'était un éternel. Tu as surgi comme une fée. L'air joué comme un princesse. Le matin c'est bien et c'est Funky. No me pude controlar y supe que eras para mí. Yo mirándote, tú mirándome, nunca me he sentido así. Yeah, yeah. Soy el mismo y pierdo el control. Yeah, yeah, yeah. Ven, dime que tú vienes, que enamoras. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas. Tan lindo son los sueños cuando tú estás. Yeah, esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes, que enamoras. La forma de tu cuerpo cuando me hablas. Tan lindo son los sueños cuando tú estás. Yeah, esto no puede terminar. Cuando quiero un poco, me hace sentir como ganarme la loto. Nos vamos en mi carro, nos vamos en mi moto. En esa boca con un beso te azoto. Ven, dime que tú vienes, que enamoras. La forma de tu cuerpo y cuando me hablas. Más lindo son los sueños cuando tú estás. Yeah, esto no puede terminar. Ven, dime que tú tienes, que enamoras. La forma de tu cuerpo cuando me hablas. Más lindo son los sueños cuando tú estás. Yeah. Esto no puede terminar. Cuando te pones linda y luces tu cuerpo, tú me enamoras, girl. Todo tiene sentido cuando estamos juntos. Tú me enamoras, girl. Cuando el DJ pone la música y bailas así, ahí me enamoro más. Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí, tú me enamoras, girl. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Funky Arc-en-Ciel. Sous le clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Yeah, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. La finale, allez bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi. Allez, vas-y, y a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. Je sais bien, t'es mal aidé. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je sais bien, t'es mal aidé. Pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Thank you. violoncelle seule, déboussolée sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Des non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cette rage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon, voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Tu sais bien, t'es malade. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Tu sais bien, t'es malade. Mon trésor et ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Baiser salé, je me sais bien très mal aidé. Pour ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter. 8h22 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Baiser salé, les Portugais. Ah, Larissa, on les adore. J'ai mis une petite photo avec eux, tiens, il y a quelques souvenirs, quelques années. Notre invité qui vient d'arriver, il arrive dans moins de 3 minutes. On va parler de bouchons, à quoi ça sert, les petits bouchons plastiques. Eh bien, il est là dans les studios, Thierry Santucci. J'espère que je me trompe pas sur le nom. Hein, c'est un corse, il va faire péter la radio. Hein. Heureux d'être là. En direct dans moins de 3 minutes, notre invité. Et puis le judoka aussi au téléphone avec nous. Eh ouais, ils sont champions, les judos, là. On va en parler avec notre ami Pascal qui sera au téléphone, Pascal de la SL Saint-Jean-le-Blanc. Et juste avant, bah, du son qui arrive avec Last Christmas, la version latina de mon poteau. Last Christmas, te di mi amor, y me lo devolviste el día después. Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. C'est pas mal, hein, ça, hein. Last Christmas. Quel bon moment. Noël, avant l'heure. Ouais, je suis bien le Père Noël. Il est là, notre invité. Il arrive, il arrive, il est prêt, il est dans les starting blocks. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, il est là dans le studio, je l'accueille. Bonjour Thierry Santucci, si je me trompe pas, ça va? C'est ça. Tu me trompes pas sur le blaze parce que Corse, alors va pas nous faire péter la radio. Comment il va? Bien réveillé, ça va pas trop dur? Non, ça va, tranquillou. En tout cas, on a bu un bon café ensemble. Tranquillou, oui. T'as un peu l'accent corse, hein. On va parler de toi, pourquoi on t'a invité à la radio? Parce qu'on va parler des bouchons. Alors vous savez que sur les petites bouteilles, en bouchons en plastique, tous les jours vous en servez certainement, ça peut servir, mais à quoi et pour qui et comment? Mais justement, tu vas nous en parler ce matin et ça me fait plaisir de te recevoir, mon ami. Alors, les bouchons, tout le monde a ça chez lui, hein, sur une bouteille de soda, sur une bouteille d'eau gazeuse, on a les petits bouchons, alors souvent on les jette, hein, moi le premier, hein, je l'avoue, je l'assume, hein. Mais ça peut servir à quoi pour bien commencer cette matinée? À quoi ça peut servir ces petits bouchons pour notamment le handicap? Voilà, donc le recyclage des bouchons en plastique a deux intérêts très intéressants. Le premier, c'est la collecte d'argent qui aide les handicapés à mieux vivre en leur offrant un fauteuil roulant gratuitement, par exemple. L'autre intérêt, c'est une relation avec le développement durable. Lorsqu'on collecte les bouchons, on sait qu'ils vont être réutilisés. Ouais. Pour fabriquer une chaise roulante. Ouais, c'est bien ça. Des palettes plastiques. Enfin, voilà, c'est. Mmh. Ou pour gagner de l'argent, en fait, les sociétés vont vendre ces bouchons pour récolter de l'argent et le redonner à des associations d'handicapés. D'handicapés. Et après, avec ça, ils fabriquent donc des, comme tu le disais, des fauteuils ou autres. Oui, ils rachètent des fauteuils. Ils rachètent des fauteuils. Du matériel. Ouais. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour justement récolter ces bouchons? Où on peut les stocker, les emmener si on en a chez soi, par exemple, moi demain, si j'ai décidé d'en donner? Où est-ce que je peux aller? Il y a des endroits où on peut trouver? Oui, il y en a un peu partout, dans les grandes surfaces. Nous, au centre culturel, on a... Toi, t'es de Fleury-les-Aubrais? Oui. Ouais. À la mairie, qu'on salue, madame Carole Canette, qui doit venir à la radio, là. Je vais envoyer une invitation, et elle est en vacances, je crois. Oui, c'est ça. Si je me trompe pas. Bon, elle viendra après les vacances, alors. Elle est déjà venue, puis, elle est la bienvenue dans notre émission. Alors, on peut déposer ça à la mairie aussi, non? À la mairie, vous prenez? Mairie, je sais pas s'il y a un endroit, mais nous, à la culture, oui, au conservatoire, on a un box. D'accord. Où les gens déposent leurs bouchons à l'intérieur, qui est récupéré par une société qui repart dans un circuit de collecte, de tri et de recyclage. Alors est-ce que ça fonctionne vraiment? Oui, j'ai des amis qui sont handicapés qui m'ont dit qu'ils ont fait appel à cette association ou à des associations comme ça, et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça ramène un peu d'argent, donc justement pour aider ces personnes handicapées, je trouve que c'est une bonne initiative. Qui est à l'origine de tout ça, à la base? C'est arrivé comme ça ou quelqu'un a eu forcément l'idée? Oui, certainement. Peut-être qu'un mec un matin ou une fille s'est levée, elle a débouché une bouteille, il dit ça peut peut-être servir de le jeter à la poubelle. Ouais, c'est ça. En tout cas, si vous êtes chez vous, ce matin là, vous débouchez une bouteille d'eau pétillante par exemple ou d'eau plate, tac, le bouchon, vous le jetez plus maintenant, vous le mettez dans un sac et c'est puis on les ramène. Hein. C'est ça. Ou dans un commerce où il y a un point de collecte. Ouais. Enfin, il y a des points de collecte un peu partout. Maintenant, avant il n'y en avait pas beaucoup, maintenant de plus en plus, je crois. Hein. C'est ça. Est-ce qu'un commerçant peut faire la demande d'être un point de collecte, non? Ou on le fait si on veut? Oui, on le fait si on veut. Après, il faut le signaler. Comment on fait pour se démarquer, le signaler? On communique personnellement, ou alors on met une affiche sur la porte, on communique comment là-dessus? En fait, faut faire une demande simplement. Ouais. Et d'accord. Après, on récupère un petit bac là, plastique, qui a été recyclé, où tout le monde mettra ses bouchons dedans. D'accord. Du coup, une bonne initiative. Ça fait combien de temps, toi, que tu t'occupes de ça? Oh, je m'en occupe pas, en fait. Mais tu gères un petit peu, quand même. Tu vois comment ça se passe. Oui, je sais comment ça se passe. D'accord. T'as des chiffres aujourd'hui, non, à nous donner ou pas? Combien, à peu près? Ici, non. Non. En Corse, oui. En Corse, oui. Il y a des chiffres. Il y en a beaucoup, ouais. L'année dernière, ils ont récupéré 10 tonnes de bouchons. Ah ouais, 10 tonnes, c'est énorme. Qu'ils ont renvoyé sur Marseille pour que ça soit recyclé sur Marseille. Ouais, d'accord. 10 tonnes, c'est énorme quand même, 10 tonnes de bouchons. Et en plus, ça évite de polluer, on est éco-responsable aussi. C'est ça. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour la planète, c'est ce que diraient certains, en tous les cas. Ouais, en tout cas, une belle initiative. Il y a Jenny qui m'envoie un message, il dit ça tombe bien, j'étais en train de déboucher une bouteille de, je dirais pas la marque. Et du coup, je vais le garder, le bouchon. Maintenant, dorénavant, je les garderai. Bah, c'est cool. Bah, tu vois, une bonne initiative. Hein? Alors, Est-ce que sur Fleury, on peut trouver des lieux, des magasins, Ouais, dans les grandes surfaces, certaines grandes surfaces font un recyclage. Ouais. Bouchons, ampoules, appareils usagés. Tout ça, c'est bien géré, c'est bien stocké, c'est bien, ça arrive bien dans les associations, parce que bon, que ça parte pas à la poubelle quand même. Non. Ouais, tout est bien à bon port, on va dire. Ouais. C'est ça. Et on arrive avec, alors ce qui est énorme, c'est qu'avec des petits bouchons comme ça, on arrive à fabriquer. Alors c'est peut-être pas tout le fauteuil roulant, par exemple, mais c'est une partie du fauteuil roulant, je pense. Une grosse partie. En fait, c'est... Ouais. Les bouchons sont coupés. Coupés, ouais. Tout petit. Ouais. Et avec cette matière, hein. On refait des choses. Ouais, voilà, c'est un espèce de plastique dur qui permet de faire une partie de la carcasse, je dirais, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment on s'appelle, du fauteuil, par exemple. Pour aider ces personnes handicapées. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Il n'y a pas que les personnes, il y a aussi les animaux handicapés. Ah ouais, on fait aussi pour les animaux. Ouais, tout le monde, ouais. Ouais, ça, en tout cas. C'est pour le handicap. Hein. Ouais, ouais. Alors, hier, tu m'as envoyé plein de liens que je mettrai sur les pages Facebook où on peut trouver le pourquoi du comment, à quoi ça sert, où les récupérer, quelles sont les associations qui sont officiellement déclarées. Parce qu'il faut quand même être déclaré pour une association pour pouvoir faire ça. Ouais. Et comme tu disais, 10 tonnes, c'est énorme. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que si chacun amène son petit bouchon ou ses petits bouchons tous les mois, ça en fait un paquet de bouchons pour aider les personnes handicapées. Ouais. En tout cas, une belle initiative. Ça, je suis content de te recevoir ce matin à la radio pour parler de ces petits bouchons. Tu pars en vacances un petit peu, non ? Non, pas cette année. Pas cette année, pas de vacances. Tu vas t'occuper un peu des bouchons ? Tu t'en occupes ? Pas spécialement. Aujourd'hui. Je reste tranquillement chez moi. Tranquillement. Bon, bah c'est bien. En tout cas, on est heureux de te recevoir aujourd'hui à la Radio Arc-en-Ciel. Et pour avoir donné ce petit renseignement, parce que on n'était pas forcément au courant, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes, malheureusement, jettent ces bouchons. Moi le premier, hein, je le disais tout à l'heure à l'antenne. Et maintenant, essayez de faire un petit effort. Gardez-les, ces bouchons. Mettez-les dans un sac et puis ramenez-les dans les endroits où on peut récolter. Et ça aidera des personnes handicapées pour fabriquer notamment des fauteuils. On fabrique quoi que des fauteuils, non ? Non, on peut fabriquer des palettes, on peut fabriquer plein de choses en plastique. Ouais. Donc ça, mais la priorité, c'est d'aider les personnes handicapées surtout. Voilà, c'est surtout ça. Et ramener de l'argent, parce que c'est vrai qu'un fauteuil roulant, je connais pas le tarif d'un fauteuil roulant, mais ça va pas être donné à mon avis. Non. Voilà. Un dernier mot à rajouter peut-être, mon ami Thierry. Je fais un gros bisou à mon petit ange là qui m'écoute. C'est qui ton petit ange ? C'est une fille ou un mec ? On le salue ? On va pas donner le nom. On la salue. Bah, tu la connais. Ah, bon, on la salue. Alors, bonjour mon petit ange qui nous écoute ce matin. Merci d'avoir été notre invité pour parler justement de, du handicap et puis d'aider les personnes handicapées avec ces petits bouchons. Si vous les avez, n'hésitez pas à les ramener. Ne les jetez plus. Moi le premier. Moi, j'ai promis. Hein. J'ai promis déjà. Bon, j'ai un commerce où je vais pouvoir les garder. Et on va les garder. Je vais mettre un espèce d'entonnoir et puis on les mettra tous dedans. Hein. Mmh. C'est pas mal ça. C'est ça. Merci, mon ami. On va parler judo. Tu étais un peu judoka dans ta vie, non? Jamais? Il y a longtemps. Et justement, un champion sera au téléphone avec nous dans moins de 5 minutes. Pascal. Pascal. Tu vas voir. C'est un super mec. Au téléphone. Dans moins de 5 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. I'll be missing you. C'est Puff Daddy sur votre radio. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep a friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts bigger, just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Qui rend hommage à Notorious Big, rappeur disparu, avec I'll Be Missing You, le sample de Police, et notre invité qui est avec nous au téléphone, il arrive tout de suite. On part direction Judo. Ah, attention, faut pas déconner là. L'invité du jour. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et je le salue. Bonjour Pascal, en direct de d'Orléans, de Saint-Jean-le-Blanc, ou Saint-Privé-Saint-Mémin, je sais pas où tu es. Bonjour Pascal. Salut Franck, salut tout le monde. Bah je suis de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Privé-Saint-Mémin. Voilà. J'avais oublié Saint-Privé-Saint-Mémin, désolé Pascal. Il n'y a pas de souci. Bon, alors toi prof de judo, on dit judoka, comment on dit? Voilà, on dit judoka, et puis surtout sportif avant tout. Et voilà, et en ce moment que d'émotions. Bah ouais. Je ne sais pas si tu suis un petit peu les jeux. Alors un petit peu, j'avoue, quand j'ai le temps, je regarde. Ouais. Et puis avec notre journaliste Christelle Chapiotin aussi, on est un peu dedans. Mais pas toujours le temps, mais c'est pour ça que je t'ai contacté, toi, le spécialiste du judo. On pouvait contacter qu'un... Alors, t'es déjà venu à la radio en... Oui, on se connaît un petit peu. Ouais, on a fait un peu de judo ensemble, sur le tatami. Oui, aussi, ouais. Tu es ceinture noire, combien de dan? Deuxième dan. Ah ouais. Je suis deuxième dan depuis 28 ans. En fait, j'enseigne depuis 28 ans dans les deux clubs, Saint-Jean-de-Blanc et Saint-Privé-Saint-Mémin. Ouais. Voilà, au niveau du judo. Et je fais du judo depuis... maintenant 42 ans quoi. Ouais, ça commence à faire. Bon, faut pas t'emmerder quoi, c'est pas dingue, hein. Non, voilà. Et sinon, côté judo aux Jeux Olympiques, on est plutôt pas mal servi. C'est énorme. Des émotions depuis le début, hein. Cette équipe de France de judo là, c'est quand même en 5 jours 4 médailles. Ouais. 4 médailles. Donc avec en plus des jeunes, hein, donc ça prépare aussi Paris. Ouais. Donc il y a le petit Lucas là qui a fait en moins de 60, qui a fait médaille de bronze. Bravo. Amandine en moins de 52, argent. Ouais. Sarah Léonie qui est toute jeune, hein, moins de 57, argent. Ouais. Et hier, le top, Clarisse. Tout le monde entend parler de Clarisse. Hein. Ouais, moins c'est de 63, vrai. Championne olympique. Et Clarisse, c'est 5 fois quand même championne d'Europe. Bravo. 5 fois championne du monde. Vice-championne olympique à Rio. Mmh. Et depuis hier, championne olympique. Et franchement, pour le judo en général, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler, comme le foot, comme le basket par exemple, hein, d'autres sports, on en parle quasiment tous les jours. Là, c'est bien pour vous. C'est une publicité énorme. Et puis, je pense que derrière, en plus, il y a des athlètes qui sont sportifs, mais aussi qui sont intelligents, il y a du respect, il y a... On voit bien que ça gagne ou ça perd. Ouais. Il y a un salut à la fin. Et c'est une très très belle image pour le judo. Mmh. Voilà, pour les valeurs que ça apporte. Donc, je suis très fier d'être judoka en ce moment. Ah ouais. C'est énorme. Même aujourd'hui, pas de chance, pas de médaille aujourd'hui. Mais Axel, il perd. À la fin, il y a un salut, il y a du respect envers l'adversaire. Et c'est très très bien. C'est donc, j'espère que ça plaît beaucoup d'enfants qui regardent, beaucoup d'adultes. Ouais. Et puis ouais, c'est clair pour la rentrée, c'est ça que je voulais dire. J'ai un pressentiment que dans le judo, je dis pas qu'il y a pas de respect dans les autres sports, hein, loin de là. Non, hein. Voilà, j'ai un pressentiment que le judo, il y a beaucoup beaucoup de respect entre les adversaires. Hein. C'est pas comme, je vais pas citer des sports. Non, mais c'est vrai qu'il y a des valeurs, il y a un code moral. Mmh. Et moi, le premier, hein, quand j'ai mes élèves et tout, ce que je leur fais passer comme message, c'est le respect, la politesse. Ouais. Alors il y a le sport, mais on veut devenir aussi des personnes bien plus tard et dans la vie quoi. Donc c'est la priorité. Et donc ça fait plaisir de les voir réussir, performer. Ouais. Et voilà quoi. Et justement toutes ces médailles, ce mise en avant du judo avec les JO en ce moment, est-ce que tu penses que pour les jeunes ça peut les motiver à faire du judo aujourd'hui plutôt que qu'un autre sport collectif, alors, par exemple. Alors, oui, bah, moi qui regarde beaucoup les jeux, ouais. en ce moment, oui, en plus, c'est du beau judo, hein. C'est du beau judo. Il y a une période où c'était un peu plus compliqué, on voyait que c'était, à la télé, ça, c'était un peu plus compliqué. Là, en plus, bah, il y a un kimono bleu, il y a un kimono blanc, et puis, ils expliquent bien. Donc, oui, oui, ça met en valeur le judo. Et, bah, moi, j'invite tout le monde à pousser la porte d'un dojo, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y en a Orléans, il y a l'USO Orléans, il y a bon, Saint-Privé, Saint-Jean-de-Blanc, il y a tout autour d'Orléans. Donc, très proche de chez vous. Et venir pousser, essayer. Parce qu'on peut essayer. On peut essayer. C'est... Ah, bien sûr. Essayer, c'est voilà. l'adopter, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et, une fois qu'on est judoka, on est judoka à vie, hein. Moi, c'est à vie, hein. Mes élèves, parce que ouais. des fois, la vie fait que, on déménage, on part autre part. Mmh. Mais, bah, il y a toujours un dojo. Et on est toujours bienvenu dans n'importe quel dojo, quoi. Et voilà, c'est un partage, c'est beaucoup de valeur. Justement, donc, toi tu es prof à Saint-Privé et puis à Saint-Jean-le-Blanc, la SL. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes aujourd'hui qui veulent tenter le judo, qui écoutent la radio, les parents qui te disent, bah, moi, je mettrais bien mon fils à la rentrée au judo. Comme tu le disais, de pousser la porte, c'est quoi? C'est gratuit au début? Déjà, c'est... Vous poussez la porte, vous allez rencontrer un professeur qui est diplômé d'État. Ouais. Donc, voilà, il a fait une école pour être professeur de judo. C'est quand même un enseignant qui a un diplôme. Et puis, on trouve des copains. Alors, si on est timide, c'est parfait parce qu'on va voir d'autres copains, on va prendre de l'assurance. Si on est un peu foufou, un peu excité, ça va nous canaliser parce qu'il y a un peu de morale et il y a des règles. Il y a des règles à respecter, ouais. Ah, il y a des règles, voilà. Il y a un salut, il y a respect du grade, il y a, voilà, il y a encore des valeurs et ça fait du bien aussi. Donc, en fait, on a un mélange de public qui fait qu'il y a une bonne équipe. Il y a, voilà, et moi, je sais que mes élèves sont adorables et on les garde toute une vie, hein. On les bien a aussi une fin, même quand ils ont arrêté le judo. Voilà. Donc, c'est très, très, très agréable et il faut surtout pas hésiter, hein. Essayez, venez, on pousse la porte, on regarde le créneau horaire, on fait un essai, deux essais. Et souvent, franchement, on reste. Ça nous plaît. On reste. Voilà. On reste. Donc même toi, tu es venu avec... avec les enfants handicapés, avec Sport 21, j'étais venu, ouais, voilà. Faut revenir d'ailleurs. Oui, on doit revenir, hein. Bah, avec cette période-là. Avec le Covid, malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'espère que nous, en septembre, on pourra reprendre normalement, hein, avec peut-être un protocole, on verra bien. Mais en tout cas, on sera sur le tatami, en forme, et puis voilà, prêt à enseigner, à passer les valeurs, quoi. Ouais, c'est ça. Le judo, ça a un coût, une cotisation, enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est une licence? Il y a une cotisation, il y a une licence qui repart à la Fédération Française de Judo. Ouais. Et puis voilà, une cotisation, une adhésion, comme tous les sports. Bien sûr. Donc voilà, après, il y a des aides, voilà, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur au judo. Voilà. Tout le monde peut accéder. Donc poussez la porte d'un dojo aujourd'hui, pourquoi pas, hein, si vous voulez inscrire votre enfant pour qu'il découvre ce magnifique sport de combat. Combat, oui, combat, respect, et puis surtout respect, hein, parce que combat, des fois, dans la tête des jeunes, c'est dire on va se battre, etc. Mais non, hein, y a beaucoup de respect. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, hein. C'est sur un tatami avec un professeur. En aucun cas, c'est à l'école, à la maison, dehors. Non. Voilà, il y a des règles. C'est avec un professeur sur un tatami. On apprend à tomber, on apprend à faire tomber. Et voilà. Et après, il y a de la compétition, mais il n'y a pas que de la compétition, hein. Il y a même aux Jeux Olympiques, on a un ancien judoka, quoi. C'est un judoka, hein, qui était champion, bataille, qui est maintenant arbitre aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc on peut réussir dans tous les domaines, hein. Donc arbitre, commissaire, judo combattant. Ouais. Et voilà, quoi. Donc et pour en revenir rapidement aux Jeux Olympiques, un petit chouchou, toi, en ce moment, une chouchoute, alors, une petite préférence de ton côté sur le judo? moi j'aime bien le judo d'Axel Clergé, mais il a rien fait aujourd'hui, hein. Mais ça bouge, ça attaque, ça n'arrête pas, donc c'est très très bien. Après, il y a Teddy, hein. C'est un monstre, Teddy. Voilà, vendredi, donc ça, c'est un moment à regarder. Absolument, hein. Donc après, il y a le samedi, les équipes mixtes, très très sympa, garçons et filles mélangés, c'est super, parce que le judo, c'est individuel et par équipe. Ah ouais, d'accord. Et, c'est top. Donc voilà, au niveau champion, hein, mais franchement, l'équipe de France, c'est une belle équipe. Et puis on voit, il y a l'envie, il y a le plaisir, et avant tout, le sport, c'est aussi du plaisir. D'accord. Donc et c'est ce que disent les champions, hein. Une journée réussie, c'est une journée avec du plaisir. Et ben voilà. Avec du plaisir. Donc, voilà. Je voulais rajouter une petite chose. Et ben tu y vas, vas-y, mon ami. Du 24 août au 5 septembre, c'est les Jeux Paralympiques. Et aussi, il faut pas oublier. Voilà. Ouais. Et on a quand même de la chance à Orléans. avec Sandrine Martinet, qui est licenciée à l'USO, qui sera porte-drapeau et qui a des chances d'être médaille d'or, car elle était allée championne paralympique, médaille d'or à Rio. Et bon, on donc, va suivre ça de près, ouais. Voilà, donc c'est aussi sympa à regarder. Et, voilà, c'est des champions. Et bon, des champions, il faut les suivre, hein, il faut penser à eux aussi. Hein, voilà, ne regardez pas que les JO en eux-mêmes, mais c'est aussi les paralympiques. Hein, ça fait plaisir. Ouais, surtout franchement en ce moment, ça fait des émotions, ça nous fait penser à autre chose. Ouais. Et des émotions à fond, que ça gagne ou ça perd, on voit des belles choses et ça fait beau, ça fait plaisir au cœur aussi. Voilà, voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, une dernière chose avant de se quitter, Pascal, oui. Et puis merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Une prise, le nom d'une prise qui marque le plus de points ou qui est le plus coté au judo, c'est quoi? Toutes les prises marquent le plus. On dirait que on fait moi mon spécial c'était Ippon Seonage. Voilà, mouvement d'épaule, ouais. on passait les épaules. Il y en a beaucoup qui font maintenant en forme kataguruma. Amandine qui a mis kataguruma, Clarisse qui a mis kataguruma en finale, ouais. Ou autour des épaules. Donc voilà. Mais il y a plein de techniques, il y a plein de choses à apprendre. Donc on n'hésite pas à venir. Faire coucou, et puis toi, je sais que tu vas mettre sur les pages les adresses, les contacts. C'est ça, voilà. Et même aller voir il y a un club forcément à côté de chez vous, donc n'hésitez pas, il y a que des professeurs diplômés. Donc voilà. Et ben on passera te voir, mon Pascal, avec plaisir à la radio. Et puis ben, rappelle-moi quand tu veux, hein, si et tu ben veux ouais, ouais, ce ça... résultat et ben, voilà, super. Si ça peut donner la chance aux sportifs. Ouais. Alors, on a encore eu une médaille d'or cette nuit, hein, je sais pas si tu es au courant. Ouais, au niveau vu ça. Aviron. Hein. Ouais, Aviron. Ouais, j'ai vu ça sur internet tout à l'heure en arrivant à la radio de bonheur. Ouais, donc encore un bon moment quoi. Donc voilà. Et ben voilà Pascal, merci de nous avoir accordé ces 10 minutes radio pour parler des clubs et puis aussi des Jeux Olympiques. Ceinture noire, combien de dames déjà? 3, 10, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Et après il y en a d'autres des dames, non? Ah oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas monter un petit peu toi ou t'as fini? Alors, là j'ai fini parce que j'ai des soucis de santé et pour pouvoir monter il faut pouvoir faire pas mal de choses. Ouais, d'accord. Donc voilà. Bon bah c'est déjà pas mal. Mais je suis les mes collègues, mes amis qui eux peuvent et du coup on prend plaisir à regarder à changer de ceinture, à devenir blanche rouge aussi. Bon, je vais passer au judo, hein, je viens te casser la gueule hein, parce que. Ouais, mais avec plaisir. On va se passer aussi de voir il y a pas longtemps. Hein. On va se la mettre à tous les deux sur le tatami. Hein. Et ben quand tu veux, avec plaisir. Et puis j'ai rendez-vous à tout le monde, à ceux qui promis, veulent. Promis. Enfants, adultes. Écoute, le défi ça va être cet été ou à la rentrée. Je vais venir chez toi, là, je vais enfiler le kimono et on va se faire un petit combat. Hein, on fera une petite vidéo pour se parler, d'accord? Oui, oui. Okay. Ça va, merci Pascal. Merci Arc-en-Ciel, merci Francky. Ouais. Et puis bonne journée à tout le monde. Ouais, merci en direct. Eh, ça fait plaisir d'avoir des judo à la radio. Ciao Pascal. Ça fait plaisir hein, d'avoir des judokas. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Gli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola. Thierry, toujours dans les studios, ça fait plaisir. On finit l'émission ensemble, là, t'as vu le judoka, sympa le mec, hein. Oui, cool. Tu suis un peu les Jeux Olympiques, toi, non? Oui. Ouais. Ouais, en tout cas, belle performance pour les judokas, hein, ça c'est sûr. Victor qui arrive à 9h dans moins de 10 minutes, et puis du son, l'un des meilleurs albums vendus sur la planète. Celui-là, tu vois qui te parle? Michael Jackson avec Thriller en 1982, c'est l'album le plus vendu sur la planète Terre. T'imagines? Tu connais Michael? Ouais, pas personnellement, mais tu écoutes un peu du Michael Jackson? Bah, bien sûr. Voilà. Et ben l'album Thriller, il bat des records de vente et encore sur la planète malgré le Covid. Voici Thriller sur Bob Raya Francien. Et puis Victor qui arrive dans quelques minutes sur la radio couleur et la météo. the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Ça le fait rire. Bah ouais. Hein? Ça le fait rire, la météo qui arrive sur l'arc-en-ciel, ça le fait rire. Bah ouais, Michael. Oh my god. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est couvert, nuageux malheureusement. Alors je suis en train d'aller sur Météo France, quelques rayons de soleil, mais bon pour l'instant, très très couvert. Hein. Les températures sont fraîches au lever du jour, 12 degrés, on ne dépassera pas les 22, 23 degrés, mais toute la semaine ça devrait être comme ça. Pas de pluie annoncée, c'est un peu la bonne nouvelle, ouais, on est un peu en été quand même. Hein. Du son qui arrive avant 9h avec Enrique Iglesias. Me dijiste Dios, me dejaste mil pedazos por no saber amar. ¿Cómo amar? La vida va pasando, tu carita no ha cambiado, esos ojitos negros que siguen suplicando. ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? ¿Te acuerdas de esa noche? Éramos adolescentes. Quería darte un beso y tú tan inocente. Me tenías locamente enamorado. Me tenías locamente enamorado. Y ya lo ves, lo que fue ya fue. Y te marchaste poco a poco de mi lado. Y yo sigo locamente enamorado. Aquí sigo locamente enamorado. Me dijiste Dios, me dejaste mil pedazos por no saber amar. ¿Cómo amar? La vida va pasando, tu carita no ha cambiado, esos ojitos negros que siguen suplicando. ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? ¿Te acuerdas de esa noche? Éramos adolescentes. Quería darte un beso y tú tan inocente. Me tenías locamente enamorado. Me tenías locamente enamorado. Y ya lo ves, lo que fue ya fue. Y te marchaste poco a poco de mi lado. Y yo sigo locamente enamorado. Aquí sigo locamente enamorado. Te fuiste pero nunca me dijiste adiós. Me dejaste mil pedazos por no saber amar. ¿Cómo amar? La vida va pasando, tu carita no ha cambiado, esos ojitos negros que siguen suplicando. ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? Il y a Victor qui vient d'arriver dans les studios. Il gueule, hein, la tangentielle, elle est en travaux. Bah ouais, c'est normal. C'est vrai que cette tangentielle, sérieux, elle est tout le temps en travaux. Je connais pas un jour où il n'y a pas de travaux sur cette tangentielle. Il m'a dit que c'était de ma faute. Bon, Victor, tu arrives juste après la pub. Il a de la chance, hein, je me mets hors des pontes internationales. Moi, je vais vous retrouver demain matin, jeudi. On est jeudi demain, ouais, jeudi, avec notre chroniqueur Fabien Dumas qui sera là pour vous parler des sorties culturelles. Et puis vendredi, puis après, je vais partir un petit peu, hein, vous quitter trois semaines au mois d'août, et puis je retrouverai le 23 ou 24 août. Victor, il est prêt dans les starting blocks. Je vous retrouve demain matin, 7h, 9h, c'est votre réveil matin. Victor qui arrive dans moins de 5 minutes. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right.